إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن القلب أشرف الأعضاء، أشرف أعضاء الإنسان، جعله الله تعالى وعاء للخير والرشاد، ذاكرا الله، عاملا له، ساعيا إليه، قائدا للجوارح والأركان، أو وعاء للشر والفساد، غافلا عن الله، عاملا للشيطان، ساعيا إليه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في سنن الإمام الترمذي. ثم اعلموا أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وهو إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل معرفة الله ومحبته وخشيته وخوفه ورجائه، ومحل النية التي بها تصلح الأعمال وتقبل أو ترد وتبطل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. Chers musulmans et musulmanes, sachez que le cœur est le membre du corps le plus honorable. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce cœur soit un récipient plein de bien et de guidés, un organe qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qui agit pour Allah et qui se dirige vers Allah, un organe qui dirige et commande le reste des membres du corps, ou bien alors ce cœur est un récipient de mal et de turpitude, qui est insouciant vis-à-vis d'Allah, qui œuvre pour le diable et qui accourt vers le diable. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les invocations qu'il disait le plus souvent: ô toi qui retournes les cœurs, rafferme mon cœur dans ta religion. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos apparences, mais qu'Allah regarde vos cœurs ainsi que vos actions. Ce cœur, lorsqu'il est bon, l'ensemble du corps est bon. Et lorsque le cœur est mauvais, l'ensemble du corps est mauvais, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est dans le cœur que réside la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espérance d'Allah. Et c'est dans le cœur que réside l'intention, qui est une des conditions de l'acceptation d'un acte pieux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique: les actes valent par leur intention, et à chaque personne ce qu'elle a eu comme intention. ثم اعلموا أن القلوب تقسو فتكون كالحجارة وشد قسوة كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فتبعد عن الله وعن رحمته وعن طاعته وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي لا ينتفع بتذكير ولا يلين لموعظة ولا يفقه مقاله فيصبح صاحبه يحمل في صدره حجرا صلدا لا فائدة منه ولا يصدر منه إلا الشر ومن القلوب ما يلين ويخشع ويخضع لخالقه ويفقه ويقرب من الله ومن رحمته وطاعته فيحمل صاحبه قلبا طيبا رحيما يصدر منه الخير دائما ولقسوة القلوب أو لينها أسباب يتعاطى العبد وسنذكر شيئا منها. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que les cœurs s'endurcissent jusqu'à être comme de la pierre ou plus dur encore, comme le dit Allah Azza wa Jal. Puis vos cœurs se sont endurcis et ils sont devenus comme de la pierre ou plus dur encore. Et un cœur dur comme de la pierre est un cœur qui s'éloigne d'Allah, qui s'éloigne de l'obéissance à Allah, et qui s'éloigne ainsi de la miséricorde d'Allah. Et les cœurs les plus éloignés d'Allah sont ceux qui sont durs et rigides. Un cœur qui ne profite pas des rappels, un cœur qui ne fond pas lorsqu'il entend une exhortation. Ainsi, la personne qui a un cœur comme celui-ci transporte malheureusement dans sa poitrine une pierre qui ne lui est d'aucun bénéfice. Et parmi les cœurs, il y a ceux qui frémissent, il y a ceux qui se soumettent à leur Seigneur, il y a ces cœurs qui se rapprochent d'Allah, de son obéissance et de sa miséricorde. Et la personne qui a un cœur comme celui-ci porte en elle un cœur bon, miséricordieux, qui diffuse le bien. Et sachez que la dureté des cœurs ou la dureté du cœur a des causes qui la provoquent. Et nous allons en citer quelques-unes. فمن أعظم أسباب تليين القلوب قراءة القرآن واستماعه. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. في هذه الآيات الكريمة أن القرآن العظيم أعظم ما يلين القلوب لمن أقبل على تلاوته واستماعه بتدبر، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأنه يجب على المسلمين الإقبال على كتاب ربهم تلاوة وتدبرا وعملا حتى تحصل لهم الهداية وحياة القلوب. ولا تشبهوا بأهل الكتاب الذين حملوا التوراة والإنجيل فأعرضوا عنهما فقست قلوبهم بسبب ذلك، فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم لوعد ولا لوعيد. ومن أعظم ما يلين القلوب تذكر الموت وزوال الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة. ومن أعظم ما يقسي القلوب الغفلة عن الآخرة ونسيان الموت والانشغال بالدنيا. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Parmi les causes qui raffermissent et adoucissent le cœur, il y a la lecture du Coran ainsi que l'écoute du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant du Coran, il y a dans cela un rappel pour celui qui a un cœur, qui prête l'oreille tout en étant témoin. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rappelle par le Coran celui qui redoute mon châtiment. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran, et ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux qui trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcissent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Dans ces versets du Coran, Allah Azza wa Jal nous montre que l'un des meilleurs moyens qui adoucissent le cœur et le raffermissent est celui qui lit le Coran et qui l'écoute avec méditation. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Il est donc obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'accourir vers le livre d'Allah, de le lire, de le méditer et de le mettre en pratique, afin d'être guidés et afin que leur cœur puisse enfin vivre. Et ne ressemblez pas aux gens des livres, et ne ressemblez pas aux gens du livre, ceux qui avaient en leur possession la Torah et l'Évangile, mais se sont détournés de ces deux livres. Ainsi leurs cœurs se sont endurcis, ils n'ont plus accepté de rappel, et leur cœur n'était plus atteint ni par une promesse, ni par une menace. Et parmi les moyens qui permettent d'adoucir le cœur, il y a le fait de se rappeler la mort et de savoir que cette vie d'ici-bas est amenée à disparaître et que l'on va, un jour ou l'autre, être amené dans la vie de l'au-delà. Et parmi les moyens qui endurcissent le plus le cœur, c'est le fait d'être insouciant vis-à-vis de la mort, d'oublier la mort et d'être préoccupé par cette vie d'ici-bas. Il dit, subhanahu wa ta'ala, toute âme goûtera à la mort, et vous serez rétribué selon ce que vous avez fait le jour du jugement. Celui donc qui sera éloigné de l'enfer et entrera au paradis aura alors connu la victoire, et cette vie d'ici-bas n'est que tromperie. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, visitez les tombes, car elles vous rappellent l'au-delà. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous souvent la destructrice des plaisirs, la mort. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et sont satisfaits par cette vie d'ici-bas et sont apaisés par celle-ci, et ceux qui sont insouciants envers nos signes, voilà ceux dont le refuge sera l'enfer selon ce qu'ils ont accompli. ومن أعظم ما يلين القلوب الاعتبار بما يجري بما جرى وما يجري للأمم الكافرة من الهلاك والدمار ومن أعظم ما يقسيها الغفلة عن ذلك قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ومما يلين القلوب الإكثار من ذكر الله تعالى ومن أعظم ما يقسيها الغفلة عن ذكر الله قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Et sachez que parmi les moyens qui adoucissent le cœur, il y a le fait de se mémorer et de méditer sur ce qu'on subit et ce que subiront les peuples mécréants comme destruction et anéantissement. Et les moyens Et parmi les moyens, les plus grands moyens qui endurcissent le cœur, le fait d'être insouciant sur tout cela. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Et combien de cités nous avons fait périr parce qu'elles commettaient des tyrannies. Elles sont réduites à des toits écroulés, des puits et palais désertés. Ne parcourt-il pas la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre? Et ce qui raffermit et adoucit le cœur également, le fait de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas évoquer Allah endurcit le cœur. Il dit subhanahu wa ta'ala, les croyants sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est cité, leur cœur frémisse. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont cru et dont les cœurs frémissent au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs sont apaisés? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa passion et dont le comportement est outrancier. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن أسباب لين القلوب واتعاظها التفكر والنظر في أحوال المرضى والفقراء والمبتلين ومن أسباب قسوتها الاغترار بالصحة والقوة والغنى والثروة قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزددروا نعمة الله عليكم وقال تعالى عن عاد الذين غرتهم قوة أجسامهم وكثرة أموالهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فلو زار الإنسان المستشفى ورأى أحوال المرضى وما يقاسونه من الآلام ولو نظر إلى الفقراء والأيتام وما هم فيه من الحاجة والمجاعة لعرف قدر نعمة الله عليه ولان قلبه ولكن حينما يصرف النظر عن ذلك وينظر إلى أهل الترف والغنى وما بأيديهم من زهرة الحياة الدنيا فإنه يقسو قلبه ويتعاظم في نفسه وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالس فقراء المسلمين والمستضعفين من المؤمنين وأن لا يتجاوزهم إلى أصحاب الثرى والغفلة قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Parmi les moyens qui adoucissent les cœurs, il y a le fait de méditer et de regarder la situation des personnes qui sont malades, qui sont pauvres, et celles qui sont éprouvées. Et parmi les causes de la dureté du cœur, le fait d'être dupé par sa santé, par sa force ou par sa richesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, ainsi, cela sera plus propice à ce que vous vous rendiez compte des bienfaits d'Allah sur vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de Ad, le peuple du prophète d'Allah Hud, qui ont été dupés par leur richesse et par leur force physique. Allah azza wa jal dit à leur sujet, quant à Ad, ils se sont enorgueillis sur terre dans le faux, et ils ont dit, qui est plus fort que nous? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui les a créés, est plus fort qu'eux? Mais ils reniaient nos signes. Puis Allah Azzawajal dit, nous déchaînâmes alors sur eux un vent violent et glacial pendant des jours néfastes afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Ainsi, si le musulman visitait les hôpitaux et s'il voyait la situation des malades et la souffrance qu'ils ont, si le musulman regardait les pauvres et les orphelins et regardait la situation de besoin dans laquelle ils sont, il reconnaîtrait le bienfait d'Allah sur lui et ainsi son cœur s'adoucirait. Mais celui qui détourne son regard de tout ceci et préfère regarder les riches, ceux qui ont entre leurs mains la beauté futile de cette ville ici-bas, nul doute que celui qui dirige son regard vers ce genre de personnes, son cœur s'endurcira et son âme s'enflera. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de côtoyer les pauvres parmi les musulmans et d'être en compagnie des faibles parmi les croyants et de ne pas se détourner d'eux et de se diriger vers ceux qui ont été victimes de leur insouciance. Il dit subhanahu wa ta'ala, et fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie sur terre. Fattakullah ibadallah. وخذوا بأسباب بالأسباب التي تحيا بها القلوب قبل أن تقسو وتموت فإن ذلك هو منات سعادتكم أو شقائكم ومن الأمور التي تقسي القلب المآكل والمشارب المحرمة لأن تغذيتها خبيثة وآثارها سيئة تؤثر على الأخلاق والسلوك وتكسل وتكسل عن الطاعة وتنشط على المعصية وهذا ظاهر في أخلاق الذين يأكلون الربا والرشوة ويشربون المسكرات والمخدرات فإن أثار هذه الخبائث تظهر على أبدانهم وأخلاقهم وتصرفاتهم والمعاصي عموما تقسي القلب وتعميه وتحجب عنه نور الإيمان قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وفي المسند وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Craignez donc Allah, chers musulmans et musulmanes, et mettez en œuvre les causes qui feront en sorte que vos cœurs vivent avant que ces cœurs ne s'endurcissent et ne meurent, car cela dépend de votre bonheur ou bien de votre malheur. Et parmi les causes qui endurcissent le cœur, le fait de boire et de manger le haram. Car le fait de nourrir le cœur par des choses mauvaises a un impact mauvais sur le cœur. Et cela a des conséquences néfastes sur le comportement. La personne qui se nourrit de haram sera une personne qui connaîtra la paresse vis-à-vis de l'obéissance à Allah. Et ce sera une personne qui sera motivée à désobéir à Allah. Et cela est clair, et cela est visible dans le comportement de ceux qui mangent l'argent de l'usure, de ceux qui mangent l'argent des pots de vin, de ceux qui boivent les boissons interdites, et de ceux qui consomment toute forme de stupéfiants. Il n'y a aucun doute que cela a un impact extrêmement néfaste sur eux, et cela se voit sur leur corps et sur leur comportement. Et de façon générale, Les péchés ont une conséquence néfaste sur le cœur. Les péchés aveuglent le cœur et le privent de la lumière, de la foi et de la guider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme cela est rapporté dans les sunnans de l'imam al-Tirmidhi, le croyant, lorsqu'il commet un péché, alors un point noir est placé sur son cœur. Et s'il se repent et arrête son péché et demande le pardon, alors son cœur est nettoyé. Et s'il continue, alors les points noirs seront ajoutés à son cœur jusqu'à le recouvrir entièrement. Wal'iyadu billah. Nasalullah azza wa jal an yaj'alana hudata muhtadin ghayra dallin wala mudillin. Wa nasalullah azza wa jal an yaj'alana min alladhina saluhat qulubuhum fasaluhat a'maluhum. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq. Allahumma ihdina ila ma tuhibbu wa tardah. اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وخذل أعداء الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أعن إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.